Bonsoir, en cette soirée pré-réveillonnaire et post-réveillonnaire aussi, mais la rediffusion aussi sera post-réveillonnaire. Eh bien, j'ai pensé vous offrir fin 18 et sans doute début 19, rediffusionnement, eh bien, vous offrir sur RGM, je vous rappelle, c'est RGM ici, 107 MHz, vous offrir une rétrospective. Rétrospective, disais-je, du meilleur de l'année dernière, enfin d'un des meilleurs moments de l'année dernière, d'un des meilleurs points et événements de l'année dernière, qui a été le concours Slam. Alors on a fait 4 émissions qui se sont suivies en mai et juin, qui ont donné lieu à un lien final, et même avec une remise de prix carrément... à Bruyères l'autre jour, avec le baccalauréat, avec les ci et ça, le lycée Jean Lursa de Bruyères offrait aussi des diplômes, comme des diplômes de certificat d'études, ou de bac, aux meilleurs slameurs que nous avions sélectionnés. Cette action donc s'est déroulée de façon... complètement orchestré par les amis Lou, qui vient de nous quitter, pour Romero Info, pour un avenir sans doute professionnel heureux. Salut Lou et bon, bienvenue Lou. Michael, qui lui est très fidèle aussi, et toujours là. On avait aussi des enregistrements par Stefanelli et par moi-même, ainsi que des personnes de la radio que vous reconnaîtrez, Marion et bien entendu Dominique. oui, bien sûr. Voilà, donc c'était des émissions qui ont été enregistrées parfois au lycée, à Bruyères, parfois d'après les textes de Contrex, ici, à la radio. Et donc il y a eu diverses émissions, puis une sélection finale. On va donc suivre tout ça. D'abord, émission par émission, on va revivre tout ça. À l'après, je vous passerai sans doute, parce que ça, nos 3 heures seront loin d'être remplies, je vous passerai sans doute un des morceaux de notre concours galère qui avait lieu en 2013, et on avait eu aussi beaucoup de monde qui avait participé. Et là, bon, le slam aussi, mais beaucoup de monde. Plus que 100, 120, 130, et pour Galère également, et pour le concours Insurrection Poétique aussi. Et Galère, ça avait été intéressant, on avait fait des CD. Voilà, et bien on va vous faire écouter tout ça, avec des suites sans doute inopinées, suivant l'inspiration. Par exemple, j'ai envie après, mais ce sera tard, hein, de vous passer les vieilles chansons comique de troupier, ça me donne envie d'en chanter en l'ambiance actuelle. Ou donc, par exemple, Zouzou, un peu d'Aïoli, mais je sais pas si je l'ai celui-là. Mais des trucs de Fernandel, quoi. Ou bien d'autres trucs qui me viendront. Ou aux Antipodes, Léo Ferré. Ça, c'est la fin de soirée, et je verrai. Et bien voilà, c'est tout vu. Et maintenant, revenons au slam. Slam, ça s'appelait S-L-A-M, slam. L'âme était importante. Luisa nous avait fait un beau logo. Et d'ailleurs, les diplômes ont été ornés de ce logo à Bruyères. Voilà. Oh, puis sinon, je vous avais parlé il y a 15 jours. C'était au sujet du presbytère de Bussan. Là, c'est un combat culturel pour créer un tiers-lieu culturel, ainsi que historique, patrimonial, convivial, etc. On a vu le maire, c'est en cours de discussion. La DRAC, le CAUE, les protections du patrimoine, etc., etc. Donc tout ça avance. On a eu 161 signatures, disais-je, à Bussan même, et hors Bussan 75, mais qu'on n'est pas cherché, mais si vous voulez signer, ben vous pouvez toujours téléphoner à RGM 03 29 62 40 40, qui me répercutera, ou bien carrément 06 83 17 66 36, vous avez tous noté, voilà. 06 83 17 66 36. Ou bien Vincent de Combis, c'est moi, sur l'annuaire, ça arrive. Téléphone. C'est toujours répercuté. Je reçois toutes les publicités comme ça, c'est bien. Voilà. Eh bien, slam. Voilà, on va écouter ceci. Première émission, déjà. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver. Tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches.

Elle avait été enregistrée au printemps, un peu avant, et pour le printemps des poètes. Et je dois dire, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'action va être réitérée. Peut-être pas exactement le slam. Là, c'était le thème de l'année 18, l'ardeur. Et cette année, c'est... un nouveau thème, la beauté. Alors la beauté, ça nous permettra aussi de continuer dans la révolte, l'ardeur également, mais aussi de terminer sur quelque chose de plus zen, si je peux dire, voilà. Bon, on va donc écouter les quatre émissions. Évidemment, on vous dit de téléphoner. Non, c'est plus la peine, la sélection a été faite, c'est une rediffusion, hein, oui. Voilà. Eh ben, je vais vous faire écouter un slam de Grand Corps Malade. D'ailleurs, c'était lui qui nous a beaucoup guidés, forcément. Il n'y a pas que lui, mais il y a notamment lui. À la sortie de l'école, un jour, tu m'as souri. On avait 10 ans, j'étais tellement amoureux. Toi, on aurait dit Laura Ingalls dans sa prairie. Et j'ai tenté ma chance quand tu as détourné les yeux. J'ai tenté de t'embrasser. Mais tu ne m'as même pas remarqué, je me suis pris un vent. Car il a pris ta main, celui qui a 20 en dictée. Toujours au premier rang, le petit fifi, ça ses parents. J'en croyais pas mes yeux, non mais il se prend pour qui? Je t'ai vu partir avec lui et mon cœur se resserrait. Avec son cartable tatantane, c'est son t-shirt Waikiki. Mais je me le suis promis, un jour, je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. À la soirée de Kevin, je nous sentais tellement proches. On avait 16 ans, t'étais si belle quand j'y pense. Au milieu de la piste de danse, on aurait dit Brenda Walsh. Je me suis avancé, c'était l'heure de saisir ma chance. J'ai tenté de t'embrasser. Et je me suis pris un vent, j'ai rien compris sur le coup. Car il m'a bousculé avec ses épaules carrées. Un grand Renoir balèze, je crois qu'il s'appelait Mamadou. Il t'a pris dans ses bras et vous avez dansé un slow. En regardant cette scène, j'avais du mal à respirer. Avec ses Stan Smith et son pantalon à pince Célio. Mais je me le suis promis, un jour, je t'embrasse, je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Oh, je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Un soir après la fac, je t'ai invité manger un grec. Endroit qui paye pas de mine, je voulais pas te mettre la pression. Je m'étais bien renseigné, je savais que t'avais pas de mec. Et après ma dernière bouchée au goût salade tomate oignon, j'ai tenté de t'embrasser. Et je me suis pris un vent, encore une fois j'ai rien su faire. Ton portable a sonné, tu as tout de suite décroché. Jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais la rage contre SFR. T'es parti immédiatement car une amie t'appelait au secours. J'ai repris 3 sandwichs sauce harissa, le ventre serré. Ça m'a piqué les yeux mais moins que ce chagrin d'amour. Et je me le suis promis, un jour je t'embrasse, je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Les années ont passé, j'ai continué d'essayer. Un soir dans la rue, je t'ai vu sortir d'une voiture blanche. J'ai foncé vers toi, mais le destin a bégayé. T'es parti au bras d'un inconnu, mais ma revanche est arrivée. Un jour d'été, j'ai débarqué dans la salle le jour de ton mariage. Cette fois c'est décidé, tu vas enfin me remarquer. Devant monsieur le maire, cette fois je n'ai pas été sage. J'ai poussé le jeune premier au moment des alliances. Dans ta robe dentelle, tu m'as laissé t'enlacer. Devant tous les invités, cette fois j'ai saisi ma chance. Tu étais tellement belle doucement. Je t'ai embrassé. J'y arriverai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Oh, je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Je t'embrasserai. Je t'embrasserai. J'y arriverai. Voilà, Grand Corps Malade. Et maintenant, la deuxième émission du 26 mai, émission Slam, pour une sorte de concours, enfin, de, ça a été une sélection, plutôt, voilà. <t'->

mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire couver. Décembre 84, il tient la main de sa copine pour défier l'hiver. La nuit part pour être belle, mais elle se transforme vite en triste fait divers. Ils se croisent seul au monde dans les ruelles, mais à l'évidence ils ne le sont plus. Deux skinheads en manque d'embrouille et d'adrénaline viennent leur tomber dessus. Une gifle pour éloigner la fille, les mecs le rouent de coups à deux contre un. Le visage contre le bitume glacé, voyant la mort arriver, il se sent contraint de sortir son arme, car il est tout sauf un enfant de cœur. L'un des skins meurt sur le coup, et l'autre hurle encore sa douleur. Est allé si vite, mais pourquoi ces mecs se sont retrouvés sur son chemin? La douleur physique n'est rien quand il la compare à la peur du lendemain. Il s'est rendu au matin plaidant la légitime défense corporelle. Il est jugé en quelques mois et prend 10 ans de réclusion criminelle. Il pense souvent à eux, il rêve tout le temps à elle. Il a beau regarder très loin, il ne voit pas le bout du tunnel. Il découvre le cauchemar, l'humiliation, les matelas crades, les pieds enchaînés lors des transferts et les bagarres lors des promenades. Et alors qu'il subit depuis plus d'un an le système carcéral, une terrible nouvelle vient ajouter sa voix à la triste chorale. Il est porteur d'un étrange virus que le monde découvre craintif. 1985, nouvelle sentence, il est séropositif. Aucun traitement n'existe, plus rien à perdre, il se sent condamné à mort. Alors il va être le plus fou dans un monde où c'est la loi du plus fort. Il tombe dans tous les pièges, là où la spirale de la violence se corse. Et puisqu'on le traite comme un chien, alors il sera le chien le plus féroce. Il sort enfin au bout de 8 ans, l'avenir aussi triste que son paquetage. Les poches vides mais le sang plein de rage, alors il monte sur un braquage. Il se fait serrer un an plus tard et c'est le retour à la case cauchemar. À la case où tout est sombre et où la nuit dure des semaines isolées au mitard. Il ne pense plus à eux, il ne rêve plus à elle. Il n'ose même plus regarder devant, il est trop loin le bout du tunnel. Ou alors ce bout du tunnel, il va falloir se le construire. Il sait que s'il ne tente rien, c'est dans ses murs qu'il va mourir. 9 octobre 94, date anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Il réussit son évasion et abolit lui-même son triste sort. Quelques mois de cavale seulement avant de rejoindre les murs tout gris. Quelques mois de liberté agitée avant de repeindre les murs d'oubli. Il est alors placé directement dans les quartiers de haute sécurité. À l'isolement pendant 5 ans, on lui dit que c'est tout ce qu'il a mérité. Quand il se regarde dans le miroir, il a peur de ce que le reflet lui montre. C'est vrai, ça n'a jamais été un tendre, mais la prison a fait de lui un monstre. Un malheur n'arrivant jamais seul, le sida se déclare, la maladie s'installe. Il meurt peu à peu sans assistance et dans l'indifférence la plus totale. 1995, à deux doigts de quitter la prison pour le cimetière. La trithérapie fait son apparition et lui remet doucement les pieds sur terre. Poussé à nouveau vers la vie et essayant de voir derrière les barreaux de fer. Il se marie avec celle qu'il aime, ses sentiments réchauffent enfin l'atmosphère. Mais son jugement, toujours en attente, finit un sale jour par tomber. Pour évasion et braquage, il prend 30 ans. Le bout du tunnel s'est estompé. Pourtant, il garde en lui l'espoir. Il a tellement tutoyé la mort. Il se sent invincible, c'est sûr, il sait qu'un jour, il retournera dehors. En 2000, il se met à écrire sa nouvelle arme pour survivre face au système. Il gratte jour et nuit, ce n'est plus lui désormais, mais c'est son stylo qui saigne. Il écrit son premier livre et tient en ligne le premier blog d'un prisonnier. Ses œuvres transpercent les portes blindées. Maintenant, plus personne ne peut nier qu'il est vivant, qu'il existe. Qu'il réinvente le mot avenir. En 2008 naît sa fille, l'amour et la vie ne sont plus des souvenirs. Il a les mains sur ses stylos, fini le temps des mains en l'air. Avant je m'évadais au pistolet, aujourd'hui je m'évade à l'épistolaire. Il sort en janvier 2010 avec des projets et des repères. Après 25 ans passés dans un tunnel, Laurent a rejoint la lumière. Voilà, là c'est... Bien sûr, l'islam était... l'expression de l'ardeur et de la révolte, mais aussi cette année

Mon petit café là-bas a fermé il y a 2 ans. Mon premier encart avec ta mère, c'était juste devant. Je vois la vie changer du haut de mon balcon. Ouais, c'était mieux avant, comme disent les vieux cons. Allez, viens mon bonhomme, dehors il fait froid. Je te regarde passer pour la 8000e fois. Je suis devant ce manège depuis des années. Toi t'as pris 20 cm, le soleil a tourné. Les semaines s'accélèrent et tes mots sont plus clairs. Chaque mois vient chasser l'autre et on pense au petit frère. On met une graine en terre et un arbre devient grand. Les saisons se succèdent, mes cheveux deviennent blancs. Allez. Dehors il est tard. Avec toi le temps pousse, le temps passe et repart. Depuis que t'es là, tu cours plus vite que mes habitudes. Je n'entends que toi, tu parles plus fort que mes solitudes. On rentre à la maison, la télé nous attend. Je te prendrai sur mes genoux tant que t'auras pas 20 ans. On va regarder Babar dans notre petit cocon. Tu grandis bien trop vite, je suis déjà un vieux con. Allez. Tourne au manège, tourne la tête et les secondes tournent dans le sens. Bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Guémozo, 107 MHz, et de l'émission Vivre et créer à la montagne, qui se consacre elle-même à une rediffusion des émissions de slam que nous avions faites cette année, et qui avait abouti à une sorte de lien final, voilà, on ne peut pas dire un concours, un lien final. Et cette action va se reproduire en 2019 sous une forme un peu différente. Les slams iront plus en finale vers la beauté, qui est le thème du printemps des poètes 2019, mais on en retrouvera la forme certainement dans les lycées, collèges et ailleurs, peut-être même les EHPAD, et tout milieu, puisque on avait reconnu à la fin de la dernière séquence des slams d'adultes, voilà, qui nous avait été envoyé. Voici la 4e émission du 29 juin maintenant. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver. Tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots, c'est pour mes proches. Bonjour à tous, le collectif des radios locales vosgiennes regroupe Résonance FM, Radio des Ballons, Cristal, Radio Bellevue, RCM, Cocktail FM et Radio Guémozo. Vous êtes à l'écoute d'une de ces radios et nous vous proposons une nouvelle émission de l'action Slam.

Le bœuf, c'est bon, le poulet, c'est bon, le lapin, c'est bon. Papa, pourquoi on mange pas le chat? Non, mais le chat, c'est pas pareil. Le chat, il est sympa. Le chat, c'est notre copain. Et le lapin, il est pas sympa? Non, mais ça n'a rien à voir. Puis le lapin, c'est super bon, tu sais, avec de la moutarde. Et le chat, c'est pas bon avec de la moutarde? Non, non, le chat, c'est pas bon, là. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, j'ai jamais mangé de chat. Ou alors dans les nems, mais j'étais pas au courant. Papa, c'est quoi les nems? Bon, ça suffit. On arrête avec les animaux. Voilà. On va mettre le DVD de Robin des Bois, ça. Papa, pourquoi on fait des cauchemars? Alors, parce que tu vois, parce qu'en fait, la journée, on vit et on voit plein de trucs. Donc du coup, la nuit, la tête, elle continue de travailler un peu toute seule. Alors elle se raconte ses propres histoires. Alors des fois, c'est bien. Puis des fois, c'est pas très bien. Ça fait un peu peur. Ouais, mais papa, comment ils viennent, les cauchemars? Comment ils viennent? Écoute, je sais pas comment ils viennent. Moi, j'ai séché la philo quand ils faisaient Freud. Voilà, je sais pas comment ils viennent. Papa, moi, je crois qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Eh ben, ils m'achètent des rêves qui font peur. Peut-être lire un peu Freud, moi. Écoute, te prends pas la tête avec ça. Viens, on met le DVD de Robin des Bois, tranquille. Papa, pourquoi les feuilles, les plantes, tout ça, elles tombent, puis elles repoussent, puis elles retombent? Bon, ça, c'est facile. C'est parce que, tu vois, les plantes, tout ça, les feuilles, c'est vivant, en fait. Tu vois, c'est la nature. Donc, du coup, ça suit les saisons. Elles tombent à l'automne et elles repoussent au printemps. Papa, mais nous, on est vivants. Ouais. Alors, pourquoi nous, nos cheveux, ils poussent tout le temps et ils tombent pas à l'automne? Bah, tu demanderas à maman. Voilà, tiens. Maman, elle adore les plantes, tout ça, elle connaît bien. Et puis, elle adore les cheveux. Voilà, tu lui demanderas. Et puis, enlève tes chaussures pour monter sur le canapé. On va regarder le DVD de. Papa, pourquoi? Non, mais il n'y a pas de papa pour. Et puis, tu enlèves ces chaussures pour monter sur le canapé. Ah, mais vous êtes vraiment fous, les adultes. Vous aimez trop gronder les enfants. Il m'a vraiment dit ça. Pourquoi vous voulez toujours gronder les enfants? Non, mais on ne veut pas toujours les gronder. On les gronde quand ils ne les écoutent pas ou quand ils font des bêtises. Mais pourquoi vous voulez toujours décider? Ben justement, parce qu'on est adulte, on a plus d'expérience, donc nous, on sait les choses qu'il ne faut pas faire. Papa, mais vous, les adultes, vous faites jamais des choses qu'il ne faut pas faire? Robin des Bois. Je voulais quand même te remercier depuis que tu parles, c'est la fête. Même si tes interrogations me donnent souvent mal à la tête. En fait, plus ça avance et plus j'ai l'impression que j'ai jamais autant appris que depuis que j'écoute tes questions. J'ai compris que de toute façon, j'aurais jamais réponse à tout et que même si j'essayais, tu finirais par me rendre fou. J'ai compris qu'il n'y avait rien de mieux que de t'écouter et de t'entendre, que c'est toi qui allais grandir, que c'est moi qui allais apprendre. J'ai compris que t'observais la vie déjà bien plus vite que moi. J'ai compris pourquoi tu connaissais par cœur Robin des Bois. J'ai compris que t'avais pas forcément tort toutes ces petites fois où je te dispute et qu'il y a bien un truc où t'as raison. On est vraiment fous, les adultes. Voilà, donc c'était toute une rediffusion de l'action Slam qui a lieu cette année, en 2018, et qui sera reconduite en 2019 sous d'autres formes, aboutissant à ce thème du printemps des poètes, qu'est la beauté. Voilà. Donc là, je vais revenir à un autre concours qu'on avait organisé, la radio, et qui était le concours de galère. Ben on va écouter ça. D'abord, la présentation. Bon, là, je ne suis pas sur le bon créneau. Donc, je change de créneau. Donc, le concours galère, on l'avait fait en 2013. C'était une idée de l'ami Raymond Claudel. Et on avait été aidé par la médiathèque départementale qui avait bien aimé ce qu'on avait fait. On avait eu 130 participants. À peu près, on va écouter un petit peu ce que c'était. Voilà, présentation. J'ai dit présentation. Galère, galère. Les 10 nouvelles primées du concours lancé par RGM. Ces 10 nouvelles à consonance sociale et régionale sont le fruit d'une vaste floraison dans tout le département des Vosges, de Mirecourt à Saint-Dié, de la plaine à la montagne, par la région de Remiremont et Bruyères 88 nouvelles ont concouru, mais avec la participation d'environ 130 personnes. C'est que la dynamique jeune a été très forte, avec 65 textes du lycée agricole de Mirecourt et du lycée de Bruyère. Les jeunes ont parfois écrit à deux ou trois mains. Cette dynamique s'est appuyée sur les associations littéraires et ateliers d'écriture. Motissé, Philippe Vallée, l'Union des écrivains vosgiens, l'eau de la vallée, Je suis de ta terre, les belles vilaines de Lillon. 28 ateliers incitatifs se sont ainsi développés de mai à décembre 2013 dans les médiathèques du Tillot, Gérardmer, Saint-Dié, à la Bresse et Cornimont, au refus de la misère à Remiremont, à la maison de retraite de Ville-sur-Illon, au lycée agricole de Mirecourt, classe de Annick Breton, Carole Kriedling, Julie André et Monique Pierson, et au lycée de Bruyère, classe de seconde de Anne Renac. C'est cette convergence d'efforts littéraires qui a suscité l'appui décisif de la médiathèque départementale de Prêt, qui a diffusé l'avis de concours dans toutes les médiathèques des Vosges, et le soutien du Conseil général et du Conseil régional. L'esprit est l'origine du concours. Depuis 33 ans, Radio Gémozo, dont le nom premier fut Radio Trait d'Union, est un lien vivant, social, humain, entre les populations diverses des Vosges du Sud. Radio libre, radio différente, elle exclut la publicité pour rester totalement libre de son expression, sans pression. Expression plurielle, ouverte, reflet à la fois mouvant et durable des pensées, problèmes, désirs du patrimoine et de la culture des populations concernées. Par Internet et sa possibilité d'écoute illimitée, elle atteint désormais tout lieu en France et dans le monde, depuis sa petite grangeotte du Gémozo à Rue-sur-Moselle. Le champ s'est élargi. La source vive coule à onde, pure et sincère, comme à l'origine, d'un gazouillement qui, local, en devient universel. RGM est né d'une nécessité, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ce besoin pressant s'est particulièrement fait sentir dans les années 80. Lorsque la vallée de la Haute-Moselle, frappée de fermetures d'usines en cascade, fut dénommée « Vallée de la désolation ». Les choses n'ont hélas pas évolué dans le bon sens, et la galère, c'est dans notre région le vécu quotidien pour beaucoup. Le dire fortement, c'est déjà lutter pour que cela ne soit pas tu, pour que cela change enfin. Voyant la floraison d'ateliers d'écriture dans les Vosges, RGM a saisi là un vecteur d'expression particulièrement vivace, un moyen de clamer la galère et ainsi de commencer à s'en arracher. Écrire, c'est dire avec intensité ce que l'on est, se réapproprier une parole qu'on n'avait plus ou pas assez. C'est un outil d'affirmation et de liberté. Donc, est née l'idée d'un concours de nouvelles. Nouvelles parce que des courts récits frappants peuvent mieux illustrer la galère et le désir de s'en sortir. Galère d'aujourd'hui, galère d'hier, galère de toujours. Le thème est malheureusement vaste et multiple. Mais le jury a porté aussi une attention particulière aux nouvelles porteuses d'espoir. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concours régionaliste, ancrer le propos dans un contexte proche nous a paru une indication plus intéressante. C'est pourquoi l'emploi de 10 idiomes régionaux dans chaque texte leur a donné une couleur, une saveur, un climat des plus heureux, qui valorise aussi ce désir de faire vivre et créer au pays qui est le nôtre. Et, comme nous sommes une radio, évidemment, une version audio illustre par le son ses créations littéraires. Nos partenaires, le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général des Vosges, l'association Oxygène, la librairie Lire et écrire de Remiremont. Voilà, donc c'était la présentation du concours Galère, et je vais vous faire écouter le deuxième prix, tiens, Cache-cache par l'ami Gérard Albouze de Bas-sur-le-Rue. Planois. Cache-cache. Les enfants aiment jouer à cache-cache. À ce jeu, j'étais très forte. Toute petite, j'ai appris. Dès que ma mère mettait l'index sur ses lèvres et faisait « chut », je savais qu'il ne fallait plus faire de bruit. Rester tranquille, ne pas pleurer, disparaître. Valise toujours prête, c'est ma règle de vie. Mes parents, moi et ma valise avons traversé l'Europe, repoussés par tous, d'est en ouest. Il faut sortir de Ravenel pour aller dans l'autre sens. Nous avons échoué dans votre beau pays, dans des campements. Mon quotidien, c'est la gadouille, la maraude, le système D. Chez moi, faut pas être néreux. Mais je vais à l'école. J'ai des livres, des cahiers, des stylos, un sac en tissu. Je passe presque inaperçu au milieu des Titouan, des Sofiane, Inès et autres. Ici, il n'y a pas trop de Jean-François. Des gens s'occupent de moi, me protègent. Des gens bien, pas des macros. Je ne joue plus à cache-cache depuis longtemps. Je suis une pré-ado, comme ils disent. Comme si c'était une tare de grandir. On ne me remarque pas. Ou plutôt, je ne me fais pas remarquer. Nuance. À l'école, je suis une élève dans la moyenne. Ne pas trop briller pour ne pas faire de jalouse. Pas trop nul non plus, pour ne pas être mise avec les buzz au fond de la classe. En fait, j'étais une élève. Je ne vais plus à l'école depuis 15 jours. Mon père est parti le premier travailler dans le sud. Où ça ? Dans le sud, répondit ma mère. Le sud ? Mais quel sud ? Le sud ? Balbutia ma mère, les yeux embués. Elle aussi est partie dans le sud. Ce fameux sud. Ce sud promesse de chaleur, de réconfort. Ce sud où l'on travaille dur pour un salaire de misère. Ils sont partis pour mon bien. Pour ne pas me mettre en danger. Pour ne pas attirer l'attention. Tu peux comprendre ça? Bien sûr que je peux comprendre. Une préado, ça comprend tout. Enfin, une préado normale. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Pourquoi je ne peux pas vivre comme mes copines? Sortir avec elles. Rire avec elles. Pouffer avec elles quand les garçons blaguent bêtement et qu'on fait semblant de comprendre. Me balader sous les arcades. La vie toute simple, quoi, Vara. Vivre en étant à chaque instant sur le qui-vivre, c'est pas une vie. Ça fatigue, ça use. Certains disent que ça fait grandir. Ils n'y connaissent rien. Ça fait pas grandir, ça fait vieillir. Ici, c'est trop beau. Une chambre pour moi toute seule. Un grand lit. Un gros édredon joufflu. Il est lourd. J'enfouis ma tête dessous. Une ou deux minutes, pas plus. Après, j'étouffe. C'est ça, ma vie. C'est comme si j'avais le gros édredon sur moi en permanence. Respirer qu'à moitié, rien que des petites inspirations, comme si respirer à plein poumon pouvait me faire repérer. Alors, le matin, avant l'aube, encore en suquet, je tire discrètement les rideaux. J'ouvre la fenêtre, et là, tapis dans l'ombre, Je sens la fraîcheur de la nuit me caresser la peau. Moment délicieux, divin, troublé parfois par la pétérade d'une pétasse traficotée. Cette bouffée d'air frais est mon seul contact avec l'extérieur. Je suis cloîtré. Le soir, j'ai le cafard, le blues, la nostalgie de l'insouciance. Viens, me dit la dame qui m'héberge. Viens, nous allons chasser nos idées noires. Comme si elle avait besoin d'oublier quelque chose. La première fois que je suis allé au salon, j'ai piqué un fou rire. Le parquet était ciré. Il y avait des morceaux de feutre au sol et il fallait marcher avec. C'est pas dans ma caravane pourrie que j'aurais appris à marcher avec des patins. On écoute de la musique, des CD bien sûr, mais surtout des vinyles, de grandes galettes noires. Ça devait pas être facile à faucher que je lui dis. Étonnée, elle s'arrête sur place comme quand on joue à 1, 2, 3 soleil. J'ai gaffé. Sûr que j'ai gaffé. Je me mords l'intérieur des lèvres. J'aurais voulu ravaler ces maudites paroles. Comme disent les braves gens, chasser le naturel, il revient au galop. Je baisse la tête. Je me sens dans mes petits souliers. Je vois les patins sur le parquet. Ça résonne dans ma tête, petit soulier, patin, petit soulier, patin, petit soulier, patin, comme une comptine enfantine. Et j'éclate de rire. Elle aussi se met à rire et lâche. Les disques étaient grands, mais il n'y avait pas d'antivol. À chaque époque, sa technologie. Elle sourit. Ses doigts effleurent la tranche des pochettes. Elle les caresse. En sort une à moitié, la repousse. Un grand vide vient de tomber entre nous deux. Elle est autre part, dans un autre lieu, dans une autre vie. Elle avec ses disques, moi planté sur mes patins. J'ai l'impression de la regarder par le petit trou de la serrure. Elle m'oublie, elle m'a oublié. Qu'est-ce que je fous ici? Qui c'est cette dame? Je ne suis rien pour elle. Elle vit seule? Pas d'alliance? Je ne sais rien d'elle, sinon qu'elle prend des risques en m'aidant. Je la sens toute proche, mais ailleurs. Elle est blanche comme du chic. Un verre d'eau, c'est ça, un verre d'eau comme dans les feuilletons. Dès que l'héroïne s'évanouit, on lui apporte un verre d'eau avec un cachet. Je ne sais même pas où sont ses cachets. Et si je me trompais de cachet et que ça lui soit fatal et qu'elle s'écroule là, morte, sur le paquet, cirée, je serai dans le beau drap? Non, une claque, ça marche aussi. Une petite, pas une torgnole, bien sûr. Son regard se pose sur moi comme si elle me découvrait. Un regard bienveillant. En fait, c'est moi qui le trouve bienveillant, son regard. Je me rassure facilement, mais toujours prête à déguerpir. Les journées sont longues, monotones, j'aime ça. Je savoure ma tranquillité, je participe aux tâches ménagères, je bâche la cuisine, je n'ai encore rien frôlé. L'usage des patins n'a plus de secret pour moi. J'ai même passé de la cire sur le sol. De la cire d'abeille, ça sent bon. À la rentrée en septembre, je retournerai à l'école. Je ne serai plus expulsable, m'a dit la dame. Expulsable ? Ou expulsable. Dans son dico, le petit Robert 1988, aucun de ces deux mots y figure. Il y a bien expulsé E accent aigu, expulsé E accent aigu E, expulsé ER, expulsif, expulsive, expulsion, mais pas d'expulsable ou d'expulsable. Il est trop vieux son dictionnaire. Ou peut-être que le petit Robert a trouvé que le mot n'était pas joli, que la langue française était trop belle pour la salir. Alors, il l'a zappé. Ou peut-être qu'on n'expulsait pas les enfants à cette époque. Robert, c'est vieux comme prénom. Dans mon école, il n'y a pas de Robert. Peut-être qu'un jour, il y en aura des Roberts. Dans mon école... Thank you. Avec sur la tête un berry en coquette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes. Mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamariso qu'on du lance à Toulon. Tous les matelots sont bien les plus beaux avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas, du port aux sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux ces grands bouts, en chantant à tue-tête. Les nistoles leur font les yeux doux, ils sont beaux comme tout. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour, à Toulon. Tous les matelots sont toujours plus beaux, avec nos mérés, bien sûr, nos rêves. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux. Et toujours de Alibert, j'ai peur de tout. Depuis, j'ai peur de... Depuis que je vous aime, l'univers m'appartient. Pour un seul de vos baisers, mon cœur va prêt à se briser. Je n'ai plus peur de rien. Pour un regard de vous, je le sens, je ferai tout. Depuis que je vous aime, l'univers m'appartient. Pour un seul de vous baiser, mon cœur va prêt à se briser. Mais quand auprès de vous un autre passe, mon cœur se glace tout à coup. Jusqu'au fond de moi-même, je souffre comme un fou. Depuis que je vous aime, j'ai peur de tout. J'ignorais l'amour, j'ai connu vos yeux, quelle folie. Et depuis ce jour, je vous appartiens pour toujours. Moi si timide, autrefois, je regarde la vie sans ressentir un émoi. Savez-vous pourquoi? Depuis que je vous aime, je n'ai plus peur de rien. Pour un regard de vous, je le sens, je ferai tout. Depuis que je vous aime, l'univers m'appartient. Pour un seul de vos baisers, mon cœur bat prêt à se briser. Mais quand auprès de vous, un autre passe, mon cœur se glace tout à coup. Jusqu'au fond de moi-même, je souffre comme un fou. Depuis que je vous aime, j'ai peur de tout. Alibert. Et on va finir peut-être plus... Bon, c'était rigolo, mais on va finir par un chant des Alpes. Tiens, ça sera plus un chant traditionnel qui nous marquera notre dernier moment de l'année. Voilà. C'est... Pastre de l'Argentière. Et sur ce chant des Alpes, donc bon boudin, comme on dit en Provence, et lorsque ça sera rediffusé, eh bien, l'année aura déjà pris son envol. Joyeuse fin 18, heureux début 19. Olé!